silence. Qui sera le président? Le tigre. Mais alors, il n'y a personne pour présider. Qui se propose pour juger Jeanne d'Arc? Je me propose pour juger Jeanne d'Arc. Qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? Ego nomino. Thank you. accusé. Jam successit il préclare tribunal, je veux dire après longs efforts, ce sage et illustre tribunal a enfin réussi par des moyens tour à tour suaves et sévères, par de patientes et ingénieuses interrogations, tant physiques que morales, à éliciter la vérité du fond d'une volonté égarée et d'un cœur pervers. Et maintenant, il n'a plus au roi de France et d'Angleterre, notre légitime souverain, de te convoquer ici pour entendre ta juste sentence. Tu vas ouïr par quelles industries, dans sa grande miséricorde, cette cour sage et illustre que moi, cochon, je préside, a décidé de te débarrasser grâce à la flamme claire du feu de ce noir démon auquel tu t'es criminellement enchevêtré. Mais auparavant, nous voulons encore une fois entendre de ta bouche cet aveu solennel qui est nécessaire à la sécurité de nos consciences. À genoux! Johanna filiarum, fateriste et confideriste et tenerimam, quellamnum naturali auxilio vitoriam de manibus regis nostri. Revulsisse et fortes exercitus eius sicut paleam, in probrosissimam fugam versis et raduisse! Jeanne, reconnais-tu que ce n'est pas par tes propres forces et par des moyens naturels que tu es venu à bout des ongles? Je l'avoue! Je l'avoue! Écrivez! Johanna filiarum, fateriste et confideriste et auxilio diaboli potentissimi! Palapanderisse, resi nostro, et fortes exercitus eius improbosissima, fuga versis et travise! Jeanne, reconnais-tu que c'est par l'aide du diable très puissant, notre seigneur? Assez! Quel idiot! Assez! Au nom du diable! Jeanne, reconnais-tu que c'est par l'aide du diable que tu as tout fait? Je dis... Non! Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, oui! Écrivez qu'elle a dit oui! Et maintenant, je vais consulter le tribunal. Pecus, quid dicis? Quid dicis? Habemus confitentem reum. Noti et santi, fratres et vobis justum et tecum videtur, ut Johanna, filia Rome, striga morte condenatur.